13.1, mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Le quartier latin à Paris. C'est une très belle matinée de printemps. Il est 11h. C'est le 29 mai. Il y a une grève d'étudiants, évidemment. Robert, un jeune Américain, vient d'arriver à Paris. En ce moment, il est dans la cour de la Sorbonne. Il sourit à une jeune fille. Mireille, une jeune Française qui étudie l'histoire de l'art, est aussi dans la cour de la Sorbonne. Elle sourit à un jeune homme. Un autre jeune homme traverse la place de la Sorbonne. Il a l'air de s'ennuyer. Il s'approche d'une jeune fille et lui demande du feu. Tiens, mais c'est Jean-Pierre Bourdon. Pardon, mademoiselle. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît ? La jeune fille le regarde sans répondre et s'en va. Robert vient d'arriver à Paris. Robert vient d'arriver à Paris. Est-ce qu'il y a longtemps que Robert est à Paris ? Non, il vient d'arriver. En ce moment, il est dans la cour de la Sorbonne. En ce moment, il est dans la cour de la Sorbonne. Où est-il en ce moment ? Dans la cour de la Sorbonne. Il sourit. Il sourit à une jeune fille. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sourit à une jeune fille. C'est une jeune Française. Qui étudie l'histoire de l'art. Qui étudie l'histoire de l'art. Qu'est-ce que Mireille étudie ? L'histoire de l'art. Un autre jeune homme s'approche d'une jeune fille. Un autre jeune homme s'approche d'une jeune fille. Et il lui demande du feu, du feu. Qu'est-ce que Jean-Pierre demande à la jeune fille ? Du feu. La jeune fille le regarde. La jeune fille le regarde. Sans répondre. Sans répondre. Et s'en va. Et s'en va. Est-ce que la jeune fille lui répond ? Non, elle le regarde sans répondre.